Shorty veut un thug, des bouteilles dans le club. Shorty est trop hot, elle veut que je la touch. She's ready for fuck. Shorty veut un thug, des bouteilles dans le club. Shorty est trop hot, elle veut que je la touch. She's ready for fuck. Ok. Shawty veut un gars comme moi. Elle me dit bébé, j'ai rêvé d'un mec comme toi. Shawty veut un gars chaud, holy comme moi. Qui lui donne du will, love comme moi. Shawty qu'elle s'en fout, il n'y a que moi. Et moi j'adore ça quand Shawty parle comme ça. Elle veut qu'on aille dans les clubs pour danser chaudement. Elle veut que ma bouche touche son corps ou son vagin. Shawty me chauffe encore plus lorsque j'ai bu, car elle sait que je vais lui donner tout ce qu'elle veut. Shawty a le corps dont je rêve la nuit. J'adore son gros cul, surtout avec plein d'huile. Mais Shawty veut un thug, des bouteilles dans le club. Shawty est trop hot, elle veut que je la touche. She's ready for fuck. Shawty veut un thug, des bouteilles dans le club. Shawty est trop hot, elle veut que je la touche. She's ready for fuck. Shawty a envie de moi. Dans son corps mon regard qui fait des dégâts. Elle m'appelle baby boy ou bien mon soldat. Shawty aime les soirées entre elle et moi. Lorsqu'elle est nue et enflammée de désir, elle se cambre et me dit pénètre-moi je t'en supplie. Shawty vient sur moi et bouge son bassin. Shawty veut que sur son corps je fasse aller mes mains. Shawty veut un thug, des bouteilles dans le club. Shawty est trop hot, elle veut que je la touche. She's ready for fuck. Shawty veut un thug, des bouteilles dans le club. Shawty est trop hot, elle veut que je la touche. She's ready for fuck. Elle va me lécher comme un lollipop. Shawty sweetie hot, just a shawty wanna fuck. Elle va me lécher comme un lollipop. Shawty sweetie hot, just a shawty wanna fuck. Shawty veut un thug, des bouteilles dans le club. Shawty est trop hot, elle veut que je la touche. She's ready for fuck. Shawty est sur moi, mec, je ne me contrôle plus. Merci Dieu de m'avoir envoyé cette divine créature. Maintenant Shawty et moi sommes en harmonie. Soirée parfaite entre femme et whisky. Yo, j'ai tout ce qu'un homme pourrait rêver. Une bonne meuf qui au lit le fait beaucoup transpirer. Shawty me regarde d'un air coquin et me dit encore. Alors je lui donne encore puisque j'adore Shawty son corps. Shawty veut un thug, des bouteilles dans le club. Shawty est trop hot, elle veut que je la touche. She's ready for fuck. Shawty veut un thug, des bouteilles dans le club. Shawty est trop hot, elle veut que je la touche. She's ready for fuck. Appelle-moi, je veux mettre ta pussy en fire. Appelle-moi, invite tes copines à l'appart. Appelle-moi, je veux mettre ta pussy en fire. Appelle-moi, invite tes copines à l'appart. Appelle-moi, je veux mettre ta pussy en fire. Appelle-moi, invite tes copines à l'appart. Appelle-moi, je vais mettre ta pussy en fire. Appelle-moi, invite tes copines à l'appart.